seules les apparences sont prises en compte lorsqu'on juge de la mécréance ou de l'islam de quelqu'un. Cela veut dire que lorsqu'une personne nous montre qu'elle est musulmane, nous la jugeons ainsi, sans se préoccuper de savoir si elle croit réellement dans son cœur. Et lorsqu'une personne nous montre la mécréance sans qu'il n'y ait d'empêchement valable, nous la jugeons mécréante d'après ses dires et actes, sans se préoccuper de se demander ce qui se passe dans son cœur. En effet, seul Allah sait ce que renferment les cœurs. Et nul autre qu'Allah ne peut savoir ce qui se passe dans les cœurs des gens. De ce fait, le statut d'islam ou de mécréance dans ce bas monde ne peut être donné que sur les bases des paroles et des gestes des hommes et non de leur intention et croyance. Les preuves de cette règle sont nombreuses, nous n'en citerons que quelques-unes. Première preuve, le prophète ﷺ a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et donnent la zakat. S'ils font cela, leur vie et leurs biens deviennent inviolables, sauf pour un droit de l'islam. Et leur sort est entre les mains d'Allah », rapporté par le Bukhari et Muslim. Or, tous ces piliers sont des choses visibles et audibles, qui sont spécifiques au corps et non au cœur. Celui qui les pratique sera jugé musulman, et ses biens et son sang seront inviolables, même si dans son cœur c'est un hypocrite, qu'il ne croit pas en l'islam, soit parce qu'il ignore ce que c'est et qu'il imite les musulmans pour pouvoir rester parmi eux, ou que ce soit parce qu'il n'aime pas l'islam, mais fasse semblant de l'être par jouissance mondaine. Tant qu'il ne commet pas ce qui prouve catégoriquement l'annulation de l'islam extérieurement, il sera jugé musulman. Shir al-Islam Ibn Taymiyyah dit au sujet de ce hadith « Cela signifie, il m'a été ordonné d'accepter de leur part l'islam qu'ils laissent paraître et de laisser leur secret à Allah. Quant au perfide et à l'hypocrite, ne se fait tuer que lorsqu'il tient des propos de mécréance et qu'il existe une preuve de ça contre lui. Et ce jugement se base sur l'apparence et non sur le secret du cœur. C'est à cette réponse que ce thème peut être compris. » Et il dit « Et puis tous ces hypocrites montrent l'islam et jurent qu'ils sont musulmans. Ils se servent de leur serment comme bouclier. » Et lorsqu'il en fut ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'appliquait pas de sentence uniquement sur base de ce qu'il savait, lui, ni sur base de témoignage d'une seule personne, ni en se basant sur une simple révélation, tant qu'il n'y avait pas de signes et de preuves visibles afin de pouvoir confirmer l'application de la sentence sur base de preuves ou d'aveux. Deuxième preuve. Le hadith rapporté par Muslim, d'après Usama ibn Zayd, qui lors d'une bataille trancha la tête d'un ennemi qui en voyant le sabre prononça « La ilaha illallah ». Le prophète dit à Usama « L'as-tu tué alors qu'il a dit « La ilaha illallah » Usama dit « Mais, ô messager d'Allah, il ne l'a dit que par peur du sabre. » Le prophète lui dit alors « As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il croyait ou non ?» L'imam al-Nawawi dit dans son commentaire « L'authentique de Muslim » Lorsque le prophète dit « As-tu ouvert son cœur ?» comporte une preuve du principe bien connu dans le droit et les fondements, que les verdicts sont donnés en fonction des apparences. Et c'est Allah qui se charge des secrets. Et Ibn Taymiyyah dit « Il n'y a pas de divergence entre les musulmans, que lorsqu'un ennemi de guerre se convertit à la vue du sabre, son islam est valide et son repentir de la mécréance est accepté, même si la situation indique que son cœur s'oppose à ce qu'il laisse apparaître. » Troisième preuve, Allah a dit « Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous êtes devenus mécréants après avoir eu la foi. » Ibn Hazm dit « Et Allah ne leur donna le nom de mécréants pour rien d'autre que ce qu'ils ont laissé surgir de leur langue et de leurs actes, comme il le fit pour Iblis, les gens du livre et d'autres encore. » Les points à retenir. Nous ne jugeons les créatures qu'en fonction de leur apparence. Et nous ne nous occupons pas de ce qu'ils pensent, ni de leur intention. Exception à la règle. Lorsque l'acte ou la parole de l'individu n'est pas clairement compréhensible, ou que le contexte suggère la possibilité d'une erreur accidentelle, dans ce cas, nous l'interrogeons sur son intention. Lorsqu'une personne affirme être musulmane, il est interdit de contester son islam, tant qu'on ne voit pas sur elle une preuve catégorique et nette de mécréance, comme l'abandon d'un autre qu'Allah, le soutien d'un tarout ou d'un mécréant contre les musulmans, la profanation d'une chose se rattachant à la religion, etc. Ce qui juge les créatures d'après leurs croyances et leurs intentions sont les murji'a. La cause d'apostasie de l'islam est toujours visible. Contester l'ordre d'Allah causant l'apostasie peut se faire par un simple geste, même s'il n'est accompagné d'aucune parole ou aucune déclaration.